Salut à tous et bienvenue dans ce 3 films sinoriens. Aujourd'hui, attention, ce 3 films sinoriens comportera 4 chroniques. Et oui, je sais, on change les règles toutes les semaines. Il y aura 4 chroniques, mais on ne parlera que de 3 films, puisque Le Corbeau et moi avons choisi de parler du même film, à savoir Mrs. Tingle. Je sais pas si c'est une découverte pour Le Corbeau, pour moi c'était un bon souvenir, on va dire, de jeunesse. Et bah comme quoi, la mémoire me joue parfois des tours, mais vous en saurez plus dans quelques instants. Comme vous pouvez l'entendre, on n'est plus tout à fait dans notre salle de cinéma. Nous sommes aujourd'hui dans le QG de Monstres et Compagnie, la maison un petit peu creepy. Et ça ne nous empêchera pas de parler cinéma. Donc on va commencer avec Le Corbeau qui va vous parler de Mrs. Tingle. Puis je vais venir y apporter quelques nuances. Ensuite, on parlera un petit peu actu avec la sortie du film Le Jardinier, avec Jean-Claude, pour le coup. Et on terminera par un film que je ne vous dévoilerai pas tout de suite. Ce sera La Surprise du Chef. Allez, on écoute Le Corbeau nous parler de Mrs. Tingle et après je prends le relais. Late Anne Watson, Katie Holmes, est une élève assidue au lycée de Greensboro. Elle a besoin d'un A en histoire pour décrocher une bourse, quitter cette ville et éviter d'être condamnée à finir serveuse comme sa mère. Malheureusement, sa professeure est Mrs. Tingle, une femme détestable, aigrie, qui ne veut que la voir échouer. Accusée de tricherie, elle se rend chez elle avec deux camarades, mais la situation dégénère et nos trois élèves la séquestrent. Alors gros dossier, ce film de 1999, scénarisé et réalisé par Kevin Williamson, est le prototype du film d'ado des années 90, avec tous les clichés possibles. On a l'élève intelligente et un peu timide, Katie Holmes, aussi horripilante que dans Dawson, du même scénariste, la meilleure amie qui serait future star de cinéma, qui en fait des caisses, et le beau gosse rebelle ténébreux et crush de notre héroïne. Et tous ont l'air d'avoir au moins 20 à 25 ans. Et nos trois couillons ont une idée débile pour essayer de faire changer la note à une professeure passablement tordue. Seul point légèrement positif de ce métrage, il ne dure que 96 minutes. Et pourtant, il n'en finit pas. C'est mou, prévisible, avec des dialogues et des situations d'une platitude rare, complètement tirées par les cheveux. Kevin Williamson, dans les années 90, est le scénariste en vue à Hollywood, après Scream. C'est le boss, le grand Manitou, le gros bonnet, la vedette, le singe. Mais là, on est clairement en fin de parcours. Sa médiocrité peut exploser à la face du monde dans ce thriller, même pas digne d'un dimanche après-midi sur TF1. Rien à sauver. Photos, acteurs, situations, tout est moche. Seule Hélène Mirren arrive à exister. Sournoise et manipulatrice, elle n'a aucune difficulté à être la meilleure chose de ce film. Tellement les autres font pitié à voir. Avec un final et son twist idiot, le dernier clou du cercueil est planté, uniquement pour les fans de Katie Holmes et de sa carrière. Vous devez avoir beaucoup de temps libre. À noter pour les cinéphiles le plus effroyable fusil de Tchekhov, ou devrais-je dire l'arbalète de Tchekhov, qui m'ait été donné de voir. Eh bien, j'ai l'impression que Le Corbeau n'a pas aimé. Mais qu'en est-il de moi? Eh bien, d'abord, je dois vous avouer que maintenant, je ne choisis plus mes films. Enfin, la plupart du temps, parce que, comme beaucoup d'entre nous, j'ai une certaine pile de films à voir, j'ai les plateformes. J'ai un disque dur avec pas mal de films et bien souvent, je passe plus de temps à me dire qu'est-ce que je vais regarder qu'à regarder un film. Et comme la durée moyenne des films a tendance à augmenter, bah au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure d'hésitation intense, j'ai plus le temps de regarder quoi que ce soit. Donc maintenant, je résous ce problème, je ne choisis plus mes films, je les joue au dé. Je fais 6 piles de 6 DVD, le premier jet de dé définit la pile et le second, le DVD. Voilà. Donc si je vous explique tout ça, c'est surtout, d'abord pour dire que je suis comme vous, hein, je mets un temps fou à choisir ce que je regarde, et en plus, ben, si j'ai choisi Mrs. Tingle, c'est un pur hasard. Alors je ne l'ai pas acheté par hasard, mais je l'ai bien vu par hasard. En revanche, ce n'est pas un hasard si ma chronique tombe en même temps que celle du corbeau. Je vais apporter un peu de nuance à ces propos virulents. Mais non, je déconne, c'est de la daube de compète servie par des endives sur un scénario aussi creux que fade. Mais Hélène Mirren résume le film mieux que moi et le corbeau réuni, écoutez donc. Vous seriez tombé si bas. La bonne pêche que voilà. Et en plus, posé au milieu du salon par un Kevin Williamson tout fier de lui. Il est marrant ce Kevin. Entre Scream et Dawson, ça a été le Golden Boy d'Hollywood de la seconde moitié des années 90. Hein, moins de 5 ans, ça a été quand même relativement rapide. Et dès l'année 2000, ben, c'était à nouveau le ringard du coin. Et dire qu'il va revenir aux manettes de Scream 7. Tiens, en voilà un autre projet qui pue le sapin dès le début. Et je dis sapin, c'est sympa. Bon, revenons à notre trio d'endives qui sequestrent leur prof. Ah merde, vous avez vraiment envie que j'en parle encore? Putain, c'est nul ici, mais je crois que je préférais m'insérer un pic à brochette dans l'urètre que de m'infliger ce téléfilm bas de gamme une nouvelle fois. C'est même pas assez drôle pour être un nanar de fin de soirée. Vous savez, de ceux devant lesquels on roupit tranquillement après quelques bières. Bon, bah, en fin de compte, ma mémoire m'a joué des tours. Moi non plus, j'aime pas beaucoup Mrs. Tingle. On va pas se laisser abattre, et haut les cœurs, il y a un nouveau Vandamme qui vient de sortir. Exclusivité Amazon Prime. Alors, celui-là, je l'ai choisi. C'est une nouveauté Amazon 2025 avec JCVD. Si je m'arrête là, c'est plutôt bon signe en fait, parce que c'est à Amazon que l'on doit l'excellente série Jean-Claude Van Johnson, avec JCVD aussi. Malheureusement, ça s'arrête pas là, et alors là, attention la dégringolade, Michael Youn, le ringard éternel, il s'offre là son baltringue, un petit peu à l'image de la gaffe. Jérôme Le Banner, aussi bon combattant que mauvais acteur, mais une belle carrière dans le nanar s'offre à lui. Ragnar Le Breton, ben, il fout des bonnes baffes, hein. Mais c'est pas encore cette fois-ci qui va éclater le box-office. Caris, et je crois que c'est un rappeur, hein, mais pour le ciné, c'est rappé. Allez, ça, l'alté facile, l'alté cadeau, c'est de ma part. Et toute cette belle bande de bras cassés, et là, je suis vraiment soft, est chapeautée par David Charlot, Charon, éternel auteur de Cyprien et Le Dernier Mercenaire, déjà, avec JCVD. Oh putain, c'est plus un CV, c'est un champ de navet. Le film enchaîne les caches-misères, hein. Comme JCVD, les nanas honteux. Le pire étant, à mes yeux, le combat dans le noir. Alors là, vraiment, les gars... Eh, vous avez JCVD. Il est âgé, hein, certes. Donc, soit vous avez JCVD, il sait se battre. Profitez-en, mettez la lumière. Soit il sait pas se battre, ne faites pas se battre. Et prenez-le pour ce qu'il est, c'est-à-dire un acteur. Et quand je dis que JCVD est un acteur, je suis vraiment sincère. Non, vraiment... Bon, allez, le scénar est au ras des pâquerettes, ça n'aide personne. C'est con, mais con, mais con! Oh là là, et ces dialogues? C'est entre le gênant et l'insipide, entre Ragnar le Breton qui arrête pas de faire ses références crypto-érotico-homo, je sais pas quoi, à base. Oh là là, il a de belles mains. Oh là là, il est bien conservé. La finesse. J'allais dire, c'est la finesse du corbeau, mais non, le corbeau me paraît un parangon de finesse à côté de ses blaireaux. En plus, allez, c'est bavard. Enfin, n'allez pas croire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Tout le reste est naze aussi. Ce métrage est un immense tas de purins. J'aime énormément Van Damme, mais il peut pas continuer à faire n'importe quoi à ce point-là, c'est vraiment honteux. Il se fout pas que de son image, il en vient quasiment à se foutre de son public. À un moment, Jean-Claude, si tu m'écoutes, arrête tes conneries. Allez, envoyez-moi cette merde au compost et qu'on n'en parle plus. Et allez, on va rester dans la thématique et je vais vous parler pour terminer de Winnie the Pooh 2. Alors je dis thématique parce qu'il est disponible sur Amazon. Et peut-être aussi parce que c'est de la merde. Vous connaissez l'histoire du con qui se jette dans une piscine de merde, presque en connaissance de cause, et qui jure de ne pas recommencer. Et à votre avis, il fait quoi cette ahurie quand on lui annonce qu'il y a une nouvelle piscine de merde? Bah il met un slip propre et il court sauter dedans. Et c'est à peu près mon histoire. Et oui, je sais, je suis faible, et je suis en manque de nuit nanarlande, désolé, mais là, merde, vous faites quoi, les gars? Et en plus, ce second opus des aventures meurtrières de Winnie s'avère de prime abord plus fréquentable que son aîné. Il y a toujours cette intro plutôt chouette, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, et les costumes sont de bien meilleure qualité. Et bah déjà, rien que ça, ça change un peu la patte visuelle du film, et j'ai un peu moins l'impression qu'on se fout de ma gueule. Je ne dirais pas que c'est le top, mais leur bizarrerie s'y est bien au film et à son nouveau propos. Et oui, le lore s'étend très largement avec cet épisode. Ben, quand je dis ça, vous attendez pas des merveilles non plus, hein. C'est toujours très con, mais ça prend un chemin inattendu jusqu'à ce qu'on nous en parle. C'est toujours gore et pas trop mal fait, mais c'est aussi toujours éclairé avec le fion et joué par des endives trop cuites. La petite nouveauté de cet opus, c'est que Maître Hibou et Tigrou se joignent au carnage et toute la troupe se rend en ville. Il y a d'ailleurs une scène de nuit assez gratinée, où on voit bien que des films comme The Collector ou Terrifier sont passés par là, et que certaines digues grand-quignolesques ont cédé. C'est encore pas parfait, c'est toujours réservé à un public qui sait dans quoi il saute, mais c'est mieux gaulé et ça sent moins le cynisme à deux balles. Et il y a toujours pas de coco-lapin ni de bourriquet. Bon, doit y avoir combien de films dans leur univers étendu, là? Ah, c'est pour savoir le nombre de cycles propres qu'il faut que je prévoie. Et voilà, merci de nous avoir écoutés, on a encore été plus long que les dernières fois, et je pense que, en fait, on va se tenir à rien du tout, et on parlera autant de films que ça peut nous faire plaisir, en fait, ou vous faire plaisir, le cas échéant. J'espère que cette chronique est appréciée, n'hésitez pas à nous faire des petits retours, et nous conseiller des films éventuellement, s'il y en a à côté duquel on est passé, ou que vous pensez que l'on pourrait traiter. Et peut-être qu'ils sont dans mon petit carnet prêts à être dégainés, mais pas encore. Voilà, et bah écoutez, on vous dit à la prochaine fois, salut à tous !